Chapitre 5e. À peu de jours de là, tout le pays était en mouvement pour le dépiquage du blé. De toutes parts, la moisson dorée était étendue sur l'air au plein soleil de l'été. C'est un temps de fête, où l'on se visite et où les soirées se passent à sauter sur la paille foulée par les pieds des mulets qui tournent en rond. Les enfants grimpent sur les meules et se culbutent à grands cris. Les jeunes filles sautent sur quelques coins de terre battue, bien déblayés. Et si la nuit surprend tout ce monde à la belle étoile, en pleine gaieté, quelquefois on prolonge la veillée bien après l'heure du sommeil. À la prière de Jacques, un petit bal avait été improvisé sur l'aire voisine du Courtil. Il menait la valse avec Raoul, tandis que les enfants, accourus de tous les côtés, faisaient des montagnes de paille et s'y roulaient. Un moment vint où la fatigue dispersa la compagnie. Comme les perles d'un collier qui s'égrène, les danseuses, une à une, s'éloignaient, et la farandole dénouée se rompait en chaînons épars qui s'effaçaient dans l'ombre. Ça et là, des jeunes filles prises par le sommeil se couchaient sur la paille, où, immobiles, elles faisaient des taches noires sur le fond jaune de la moisson. Esther, lasse comme elle, s'était assise sur des gerbes et, s'inclinant, s'était fait un oreiller d'épis sur lesquels sa tête reposait. Bientôt assoupie par la chaleur d'une nuit d'été sans vent, elle ferma les yeux. Raoul, qui la regardait, comprit, à la respiration égale et douce qui soulevait sa poitrine, qu'elle s'était endormie. Il prit une mante légère faite d'une étoffe algérienne et l'étendit au-dessus de son front, attaché à quatre bâtons. Placé à son côté et la couvant d'une muette adoration, il veillait sur son repos. Madame de Carnavon causait à l'écart avec un gros propriétaire du voisinage. Hortense allait et venait dans la transparence de la nuit, ramassant les épis encore pleins chassés de l'air par le trot des mulets. Charlotte, les mains croisées sur ses genoux, promenait ses regards tristes au hasard dans l'espace et les arrêtait quelquefois sur l'abri mobile qui protégeait sa sœur. Quelques rires confus éclataient dans l'ombre et marquaient la place où des garçons étaient tombés pêle-mêle. Une heure se passa dans ce silence à peine interrompu par le chuchotement des feuilles caressées par les haleines de la nuit. Tout à coup, Esther s'éveilla, et son premier regard rencontra deux yeux passionnés et lumineux qui la contemplaient. Encore prise à demi par le sommeil, elle ne pouvait détourner ses regards des yeux qui brillaient entre elle et le ciel. Elle en était fascinée. Un sourire dont elle n'avait pas conscience éclaira son visage. Il lui semblait qu'elle vivait d'une vie immatérielle, et que son âme flottait dans l'éther rempli de rayonnement. Quant à Raoul, dont le visage lui apparaissait dans une ombre claire, il avait pour elle tout le charme d'une vision. « Savez-vous que je vous aime ?» lui dit-il en se penchant vers elle doucement. « Oui, je le sais, » répondit-elle. Elle sentit passer un souffle sur sa bouche et ferma les yeux. Si en ce moment il lui avait dit « Levez-vous et suivez-moi », elle se serait levée et l'aurait suivie. Lorsqu'elle prit le chemin du Courtil, accompagnée de Hortense et de Charlotte, Esther marchait la dernière, lentement, heureuse d'avoir à son côté quelqu'un qui disposait de sa vie et de son cœur. Si Jacques avait été moins occupé de pêche et de chasse, il aurait pu la surprendre le lendemain, errant avec M. de Mauplat sur la lisière d'un bois dont les derniers arbres faisaient un panache verdoyant à l'extrémité d'un promontoire voisin. Une confiance sans bornes était née de cet amour et s'épanchait du cœur d'Esther comme l'eau pure d'une source ouverte par un coup de sonde. Elle lui parlait de son enfance austère qui s'était écoulée dans un couvent près de la Ciotat et d'où sa mère, tout habillée de noir, l'avait tirée à l'âge de 14 ans. Le père était mort et l'on vivait sur le Courtil, le travail toujours et jamais de ces caresses dont l'adolescence a soif. On ne voyait personne. Elle avait compris vaguement, dès la seconde année, que dans cet intérieur morne, il fallait mourir ou se dessécher. Hortense avait pris le parti de rester insensible à tout. Charlotte s'en allait vers la mort, mais elle s'était cramponnée à la vie et luttait. « C'est bien triste, allez, bien sévère, » ajouta-t-elle, « et j'ai passé bien des nuits blanches malgré ma jeunesse. J'attendais je ne sais quoi, et j'attendais toujours. J'étais comme cette princesse des contes de fées qui, dans sa détresse, criait « Sœur Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ? Et pendant des années, je n'ai rien vu. À présent, je n'attends plus. J'ai une sœur, qu'un jour vous connaîtrez, Madame la baronne d'Ecquemort. Elle est à Cannes. Elle a tout à profusion, la fortune, les amitiés, les belles choses, des voitures, des chevaux, et jolie comme un ange avec cela. Elle est si heureuse qu'elle n'a pas le temps de penser aux autres. Je n'ai pu, quelquefois, en songeant à elle, me défendre du péché d'envie. Que devenir entre une mère qui oublie qu'elle a trois filles encore à côté de cette fille préférée, seule le matin, seule le soir, seule toujours. Ce qui m'a soutenu, c'est un ami, un livre auquel je disais tout, sans lui, je serais tombée. Esther parla ainsi jusqu'au bout de leur promenade, mêlant tous ses souvenirs et ne voulant rien garder de ce qui avait été dans son cœur, comme si c'eût été un bien qui appartenait à Raoul, et qu'elle était tenue de lui rendre. Quand elle fut à l'extrémité du promontoire, en face de la mer, elle s'arrêta sous l'ombre mouvante des pins. « À présent, vous savez tout, » dit-elle. « Si vous croyez que je vous écoute, je vous regarde et je vous admire, » répondit Raoul. « Hé !» dit une voix dure et lente qui partait de la lisière du bois. « Il y a quelqu'un qui s'essouffle à courir après vous et qui voit elle. » Mademoiselle de Carnavon se retourna vivement et aperçut le ronquier, qui, son bâton à la main, se frayait un passage parmi les buissons. « Ah ! L'homme à la jambe qui traîne !» fit-elle. Un homme qui courait apparut derrière lui et apprit à M. de Mauplat qu'un étranger était au Courtil qui l'attendait. Il a dit qu'il s'appelait M. de Beaurepaire et que vous le connaissiez. « Je le crois bien, c'est mon ami !» s'écria Raoul, qui déjà tournait les talons. « Est-ce qu'il vient pour vous emmener ?» demanda Esther. « Quelle folie !» Elle hâta le pas pour le suivre, évitant de regarder du côté où marchait le ronquier. « Comme il est pressé !» se disait-elle. « Nous étions si bien ici, cependant !» C'était en effet le tuteur de M. de Mauplat qu'un convoi pris à Toulon venait de jeter au Courtil, où Mme de Carnavon l'avait reçu. Il dîna au logis et fut invité à y coucher. Il passa la soirée à tout observer, un homme qui veut tout voir et tout comprendre. Esther avait les timidités inquiètes d'une personne qui pressent un danger. Effarouchée à la vue de ce capitaine, qui avait le regard clair et la réplique prompte, elle se déroba à la conversation. Vers minuit, et sous prétexte de fumer un cigare au grand air, il prit Raoul à part et se trouva bientôt avec lui dans la campagne. « Te souviens-tu de ce que je t'écrivais dernièrement ? » dit-il tout en lançant une spirale de fumée dans l'espace. « Parfaitement, » répondit Raoul. « Eh bien, ce qui n'était chez moi qu'un pressentiment est aujourd'hui une conviction. Tu es dans la nasse, mon garçon. Comment l'entends-tu ? » « Cela s'entend de reste. Je croyais ne trouver ici qu'une petite provinciale, assez bien tournée, avec de jolis yeux et le teint frais d'une écolière. Et c'est une charmante fille que je rencontre, faite à ravir. » Élégante, avec quelque chose de fin et d'attrayant qui forcerait à la remarquer entre mille. Eh bien, c'est bien pire. Avec la première, ce n'était qu'une amourette dont tu courais le risque. Avec l'autre, c'est un amour. Et de l'amour au mariage, il n'y a que la distance qui sépare une imprudence d'une folie, un accident d'une catastrophe. Il serait donc bien malheureux, à ton sens, l'homme qui épouserait Mademoiselle de Carnavon. Tu me fais trembler. Tu es comme un voyageur qui regarde au fond d'un abîme et que le vertige attire. Vas-tu donner ta démission et vivre au Courtil ? Fort bien. T'imagines-tu par hasard qu'avec Esther, tu n'auras qu'une femme ? Tu épouseras la mère, mon ami, et avec la mère, les deux sœurs, toute une famille. Tu feras les commissions de l'une et dévideras les écheveaux de l'autre. Tu auras 60 ans avant 6 mois. Il poussera de la mousse autour de toi. Mais ne m'interromps pas. Vas-tu au contraire reprendre la mer, battre les océans du nord au sud et du ponant à l'orient, et laisser Madame de Mauplat au rivage, sans autre protection que sa jeunesse et sa beauté, peste. Voilà une confiance qui t'honore, mais qui frise l'impertinence. Si la rage du mariage te possède, ne saurais-tu trouver une femme qui avec moins de séduction ait plus de dot? Tes goûts et ta fortune, 4 ou 5 000 livres de rente, je crois, en ont besoin. Le mieux, si tu es vraiment un homme, un marin, serait de t'en passer. Donc laisse-la ta pastorale, qui a eu ta convalescence et la belle saison pour complice, et viens me tenir compagnie en attendant l'heure de mon embarquement. Je prendrai soin qu'elle sonne bientôt. » Raoul soupira. Il comprenait que, sous une forme brusque, M. de Beaurepaire disait des choses marquées au coin du bon sens. Tout en achevant une cigarette à côté de lui, Il tourna les yeux vers le courtil, dont la façade blanche se voyait derrière le rideau des arbres. Une lumière tremblait dans l'ombre et indiquait la place d'une fenêtre qu'il connaissait, à l'angle de la maison et où grimpait un jasmin d'Espagne. Le capitaine suivit la direction de ce regard et sourit. « Ah oui, reprit-il, la lampe des héros. Et tu te souviens du sort de Léandre ?» Il y eut un silence. « Viendras-tu à Toulon ?» reprit le capitaine. « Y resteras-tu longtemps ? Vas-tu marchander à ton tuteur les jours que tu lui donnes ?» « Eh bien, j'irai. » Le lendemain, dans la matinée, Esther fut informée du départ subit de Raoul. Elle devint toute blanche. L'air de désolation candide qui parut sur son visage bouleversa M. de Mauplat. Il eut le désir de revenir sur sa résolution, mais le sourire de raillerie par lequel M. de Beaurepaire accueillit son regard suppliant lui fit refouler sa pensée au fond du cœur. Il chercha cependant à profiter des derniers instants qu'il devait passer auprès d'Esther pour lui parler secrètement, et il y réussit. « Votre pâleur me fait mal, lui dit-il. Doutez-vous de ma sincérité? Tout ce que je vous ai dit, je le sens. Mon cœur ne forme qu'un souhait, celui de vous appartenir, de pouvoir vous répéter sans cesse ce qu'un soir vous m'avez permis de vous avouer. Il y a des choses qu'on ne refuse pas à l'ami qui a veillé sur une adolescence isolée, mais avant 15 jours, il sera parti. « Alors je reviendrai. Vous aurez eu le temps de voir clair en vous-même, de consulter Madame de Carnavon. Si en arrivant j'aperçois sur votre fenêtre un bouquet de roses dans un vase, je comprendrai que quelqu'un m'attend ici, et je monterai l'escalier du courtil comme on monte à l'assaut. » Les yeux d'Esther se remplissaient de larmes tandis qu'il parlait ainsi, et ses mains tremblantes détachaient une rose de sa tige. Les jours qui suivirent le départ de l'enseigne de vaisseau furent lents et lourds. Jacques chassait et pêchait. Charlotte brodait, toujours silencieuse, tournant parfois un regard triste et caressant vers Esther, qui rêvait. Chaque matin, elle cueillit un bouquet de roses fraîches qu'elle mettait sur sa fenêtre, dans un vase où elles achevaient de s'épanouir. Elle choisissait les plus belles et les plus odorantes, et les effleurait d'un baiser tour à tour. Hortense, selon sa coutume, allait et venait par la maison. On n'avait pas revu Madame d'Aigues-Mort, on savait seulement qu'elle s'amusait beaucoup à Cannes. « Cela la tuera, » dit Madame de Carnavon attendrie. Les nouvelles de M. de Mauplat n'arrivaient pas non plus. Quelques mots seulement écrits à la hâte, où il exprimait tous ses remerciements, apprenaient qu'il venait de suivre M. de Beaurepaire dans une excursion sur le littoral. Les jours apportaient à Esther un mélange d'espérance et d'inquiétude dont le livre à serrure recevait la confidence. L'espoir dominait encore et lui faisait tout accepter, même l'attente, avec des joies secrètes. Un soir, au soleil couchant, elle était en promenade dans une partie sauvage de cette forêt de l'Estérel qui court de Toulon à Cannes, dans un pays de collines où se tordent des ballons étroits parsemés de quartiers de roc dont les angles et les saillies déchirent la terre. Les touristes qui cherchent la santé sur cette côte hospitalière en connaissent tous les recoins, comme on connaît le port de Vénasque à Luchon et le cirque de Gavarni à Cotteret. Esther, depuis le départ de Raoul, avait repris ses habitudes de solitaires excursions. Elle allait à pas lents au revers d'un coteau dont la pente était coupée de bouquets de chêne-liège et de pins entre lesquels erraient à l'aventure quelques chèvres. Elle pensait à ce jour lumineux où, au détour d'un chemin, Monsieur de Mauplat lui était apparu tout à coup, dans le libre épanouissement de sa jeunesse et de sa gaieté. En ce moment, elle entendit une voix qui la fit tressaillir. Ravie, elle tourna la tête du côté où cette voix s'était fait entendre. Si c'était lui qui la cherchait. C'était en effet Raoul qu'elle apercevait à quelque distance, marchant d'un pied léger parmi les buissons verts. Elle allait courir à lui lorsqu'une femme parut à l'angle d'un petit bois qu'il venait d'atteindre, et passa familièrement son bras sous le sien. Esther reconnut sa sœur et s'arrêta. Vêtue d'un costume d'étoffe claire, un chapeau léger sur la tête d'où pendait un voile de gaze, des bottines de cuir fauve aux pieds, une ombrelle à la main, Madame d'Aigues-Mort avait la physionomie éclairée par l'expression du plaisir. Un froid mortel se répandit dans les veines d'Esther. En un instant, elle la détesta. Le sentier que les deux promeneurs suivaient au bras l'un de l'autre passait non loin de la place où elle restait immobile, pétrifiée par l'étonnement et un vague effroi. Elle se jeta derrière un massif d'arbres et attendit. Bientôt, ils furent en face d'elle. La baronne et Raoul marchaient à petits pas, comme s'ils eussent éprouvé à un égal degré le désir de prolonger leur promenade. Elle souriait, et il écartait avec un soin vigilant les rameaux qui auraient pu embarrasser sa marche. « Mais depuis combien de temps se connaissent-ils donc ?» pensa Esther. « Ainsi, vous partez toujours bientôt ?» dit Raoul. « Oui, bientôt. Et vous allez ?» « Je vous l'ai dit, à Florence d'abord, puis à Naples. Qui vous empêche d'y venir ?» Ils passèrent et Esther n'entendit pas ce que répondit M. de Mauplat. Elle avait le cœur serré. Elle écarta un pan de verdure pour les mieux voir. De la même allure paresseuse qu'ils avaient tout à l'heure, ils arrivèrent au pied de la colline. Une calèche qu'Esther n'avait point encore remarquée vint à leur rencontre, suivie d'un break habité par 7 ou 8 personnes et d'une cavalcade qui emplissait le ballon d'un bruit joyeux d'éclats de rire. « Mais arrivez donc !» leur cria-t-on de toutes parts. « Vous avez pris le chemin des écoliers !»« Rien qui allonge plus que les sentiers qui raccourcissent !» dit un cavalier en qui elle reconnut M. de Beaurepaire. Sans se presser, Raoul et Clotilde atteignirent la calèche. Tout en marchant, l'enseigne de vaisseau avait cueilli un bouquet de fleurs des champs artistement entouré d'une collerette de lavande et de fougères que nouait un bout de ruban. Il le lui présenta, elle le prit, et il sembla à Esther qu'au moment où il s'emparait de sa main pour l'aider à sauter dans la voiture, il l'effleurait d'un baiser. Le break, la cavalcade et la calèche partirent de compagnie, et tout disparut dans un poudroiement de lumière au milieu duquel palpitait la gaze flottante des voiles et l'éclat soyeux des ombrelles. Lorsqu'Esther sortit de sa cachette, elle avait le cœur plein d'angoisse et les yeux pleins de larmes. Rentrée au Courtil, elle prit prétexte d'une migraine pour se retirer chez elle. Une pensée l'obsédait. M. de Mauplat et Mme d'Aigmore ensemble? Quoi? Ce bonheur d'être avec lui, à Clotilde, qui avait tous les bonheurs et la solitude à elle, qui n'avait rien? Le poids de cette injustice l'écrasait. Si Raoul l'aimait, comme il le lui avait dit, pourquoi était-il avec une autre? Une bonne odeur de rose qui entrait dans sa chambre par la fenêtre l'attira de sa rêverie douloureuse. Elle leva la tête et vit partout des pétales flétris que le vent avait arrachés au bouquet qu'elle avait mis dans un vase sur l'appui de cette fenêtre. Qu'importait à présent que les roses fussent effeuillées? Elle resta à sa place, à les regarder, les mains sur ses genoux, immobile. Quelques jours se passèrent dans ce désenchantement. Elle n'osait interroger son frère. Les fleurs desséchées par le vent et brûlées par le soleil achevaient de mourir dans le vase. À quoi bon les remplacer? Vers la fin de la semaine, errant à quelques centaines de pas du Courtil, dans un endroit solitaire où ses pieds l'avaient porté à son insu, elle vit venir à elle un petit pâtre qui regardait de tous côtés comme quelqu'un qui ne veut pas être aperçu. Il s'approcha vivement et tirant de sa poche une lettre. « Voici un papier qu'on m'a dit de vous remettre, dit-il. Prenez vite. À moi, ce papier ?» « Eh oui, n'êtes-vous pas mademoiselle de Carnavon, mademoiselle Esther, la plus jeune ? Oh, je vous connais bien, et mes chèvres aussi vous connaissent. Vous leur donnez du pain quand vous les rencontrez, comme vous donnez des bonbons aux enfants. » Esther tournait et retournait le billet entre ses doigts, le regardait à la dérobée et se sentait rougir. « C'est un grand jeune homme qui me l'a donné pour vous, » reprit l'enfant. « Il a l'air vif et gai. Il vous accompagnait un jour que vous m'avez trouvé au pied d'un arbre, où je pleurais parce que j'avais perdu une de mes chèvres. « Ne pleure pas, me dit-il, nous allons la chercher ensemble, et si nous ne la découvrons pas, je te donnerai de quoi en acheter une autre. Vous comprenez si je me suis mis à courir quand il m'a chargé de cette commission. » Mademoiselle de Carnavon vida son porte-monnaie dans la main du petit berger, qui s'essuyait le front et s'en alla au plus vite, tenant le papier serré entre ses doigts. Quand elle fut sous le couvert d'un petit bois, elle l'ouvrit et lut ces quelques mots écrits au crayon. « Je n'attends plus que le départ de mon ami pour retourner où vous êtes. Sitôt que ce soit, ce sera toujours trop tard. Ce que je pensais quand je vous ai quitté, je le pense toujours. Ce que vous étiez alors, l'êtes-vous encore? Moi, je ne vis que pour vous. » Peu s'en fallut qu'Esther ne portât ce billet à ses lèvres. Elle reprit sa course et monta dans sa chambre pour le relire encore. « Ah, mes roses !» s'écria-t-elle tout à coup. Elle descendit au jardin, en cueillit une botte, les embrassa à pleine bouche et les mit dans le vase. Le jour même, dans la soirée, Madame de Carnavon lui annonça qu'elle avait reçu des nouvelles de M. de Maupla et qu'il ne tarderait pas à revenir. « Je sais, » répondit-elle avec vivacité. La mère devint sérieuse et, sous le prétexte d'un ordre à donner, l'emmena dehors. « Je crois que M. de Maupla t'a remarqué, » dit-elle d'une voix grave. « Toi-même, peut-être, songes-tu à l'épouser ?»« Je n'ai rien à dire contre ce jeune homme qui est bien né et qui a un aimable caractère. Mais as-tu bien réfléchi ? Un marin, et si jeune, et une fortune modeste qui lui suffit à peine. Je me reproche presque de lui avoir ouvert ma maison. Ah, oh, ma mère ! Oui, je vois bien que ton choix est fait, et moi, je tremble. Laissez-moi être heureuse, je vous en prie, mon cœur déborde. » Le reflet d'un attendrissement subit adoucit le visage de Madame de Carnavon, et quelque chose comme une larme parut dans ses yeux, tandis qu'elle recevait sa fille dans ses bras. « Oui, ce que j'étais, je ne le suis plus, » dit-elle. « Un jour, je t'ai vu à côté de M. de Maupla. Il te regardait d'un air qui m'a fait penser à Jacques. N'aurait-il pas ce même regard pour une autre femme, quelque jour, lui aussi ? N'attachera-t-il pas le bonheur de sa vie à s'unir à elle indissolublement ? Et quelle souffrance sera la sienne, quelque coup, si on la lui refusait ? J'ai reporté les yeux sur toi, ému d'une crainte indéfinissable, comme si trop de sévérité devait porter malheur à mon fils bien-aimé. J'ai donc pris la résolution de me rendre à ta prière. « Laisse-moi être heureuse, m'as-tu dit. Puisses-tu l'être, ma fille, et que Dieu te garde. Ce n'est pas moi qui tromperai ton espoir. »« Ah, rien ne le trompera plus maintenant, » s'écria Esther, qui cachait son visage rayonnant sur le cœur de sa mère. À la même heure et sous le même ciel, mais séparés par quelques lieues de collines et de vallons, M. de Beaurepaire retenait M. de Maupla sur le sable ferme et fin d'une plage où le flot indolent allongeait une frange d'écume. À quelques pas du rivage, derrière un rideau de lauriers roses et d'arbres exotiques, on voyait resplendir la façade étincelante d'une villa. Les sons d'une valse d'un rythme vif s'en échappaient. « Voilà Madame d'Ecquemort qui nous envoie ses adieux, » dit le capitaine. « Tu sais qu'elle part demain ?»« Je le sais. » « Or, c'est à Naples qu'elle va. » « Moi, c'est dans 4 ou 5 jours que je m'embarque sur l'Arétuse. »« Et c'est vers Naples aussi que tu diriges la proue de ta corvette ?»« Oui, l'Italie d'abord, l'Orient après. Et toi ?»« Moi, je reste. »« Ah oui, le Courtil, toujours le Courtil, c'est une maladie. » Il lança un jet de fumée dans l'air tiède et continuant sa promenade au bord du flot. « Ce qui est écrit, disent les Arabes, » reprit-il. Tu épouseras Mademoiselle Esther de Carnavon, et tu marcheras dans la vie entre 3 et 4 enfants et de maigres revenus qui te maintiendront dans une besogneuse médiocrité voisine de la gêne. Tu seras père de famille, puisque c'est ta vocation, et tout, depuis l'enfant à la mamelle jusqu'à l'aïeul, pèsera sur tes épaules à un âge où d'autres ont pour maîtresse l'indépendance et l'aventure. Il est vrai, qu'a dit Padici, je sais une charmante femme, qui ne serait point fâchée peut-être d'achever à Naples le roman commencé à Cannes. Elle est jolie, élégante et gaie, avec un grain de coquetterie qui prend toutes les formes et joue de l'ironie non moins que de la tristesse. Question de toilette qui consolide l'harmonie entre l'humeur et les ajustements. On pourrait la retrouver au pied du Vésuve et s'y attarder quelque temps, et des jardins de Sorrente, si elle est envieuse de voyager, passer aux jardins de Constantinople et de Beyrouth. Mais non. On a poussé des soupirs au clair de lune, et qui sait, rimé des vers sous l'ombrage des pins en face de la mer bleue, et l'on dit adieu à la jeunesse. D'autres ont rêvé de glorieuses navigations en lointain pays, de périlleuses entreprises, de ces choses enfin, combats ou découvertes, qui mettent l'homme en présence des seules ambitions qu'il relève dans sa conscience, le devoir à accomplir, la mort à braver. Ce langage te surprend dans la bouche d'un marin, que tu as vu ardent au plaisir. Peu enclin à se convertir en pédagogue pour courtiser platement une morale de convention. C'est qu'il me sourit assez qu'on ait l'amour des belles et grandes choses avec le goût de celles qui sont agréables seulement. À mon sens, les bergeries n'égarent pas moins que les extravagances et du premier coup, parce qu'on a rencontré une jolie fille dans un sentier fleuri, s'embobiner dans le mariage est une insigne folie. « Si donc tu étais mon fils ou seulement mon frère, je te dirais, laisse là ton idylle et pars avec moi. L'horizon est large, et je sais de beaux yeux qui te serviront d'étoiles pour diriger ta course. Suis la pente de ta jeunesse, qui est bonne conseillère quand elle t'engage à te réjouir en attendant l'occasion de faire des choses utiles et nobles. Le printemps mort, tu jetteras l'ancre si tu veux, et je t'imiterai s'il le faut. » Il s'arrêta pour reprendre haleine après cette belle homélie, qui lui paraissait sans réplique et frappant sur l'épaule de son compagnon. « Viendras-tu ? » reprit-il. « Je verrai, » répliqua Raoul. Ils revenaient sur leurs pas, Raoul silencieux, le capitaine fumant toujours, lorsqu'une femme enveloppée d'un fin burnous de laine blanche leur barra le passage. Un éclat de rire partit du capuchon qui couvrait sa tête, et celle qui le portait l'ayant rejeté en arrière, le gai visage de Madame d'Aigues-Mort parut à leurs yeux. « Oui, c'est moi, » dit-elle avec un soupir. « Il m'a pris fantaisie de vous dire adieu comme si déjà je ne l'avais pas fait. J'ai ri tout à l'heure en vous tendant la main, mais au fond, je suis plus triste que vous ne le croyez. » Elle glissa son bras doucement sous celui de M. de Maupas. « Je ne sais quelle idée a eu M. d'Aigues-Mort de me conduire à Naples, » reprit-elle. « Je vais être bien seule là-bas. Si une amie de France venait m'y surprendre, je crois que je lui sauterais au cou. » « Prenez garde, » dit M. de Beaurepaire. « Si cette nouvelle se répandait, il y aurait foule. »« La foule, je n'y crois pas, et ce serait trop... » Il parut à M. de Beaurepaire qu'en prononçant le premier mot de cette phrase, le regard de Clotilde s'était arrêté sur Raoul. Il sourit et s'écarta pour allumer un cigare. On fit quelques pas en silence. Madame d'Aigues-Mort exposait son visage à la brise qui venait de la mer et en aspirait la senteur vive. « Je ne sais, » reprit-elle, « si le ciel tant vanté de Naples m'offrira des nuits plus belles. Je me contenterai d'en trouver de pareilles. » On arriva ainsi devant la porte de la villa encore tout illuminée. Madame d'Aigues-Mort ramena le capuchon de son burnous autour de son visage et, brusquement, ouvrant la porte du petit jardin qui la séparait de la plage, « Au revoir !» cria-t-elle. Le capitaine la regarda jusqu'à ce qu'elle eût disparu sous la voûte du vestibule. « Est-ce que ton congé n'a pas encore 5 ou 6 semaines à courir ? » dit-il en se tournant vers Raoul. « Non, 3 mois. Peste. » 2 ou 3 jours après cette conversation, à l'heure où les hôtes du Courtil sortaient de table après le déjeuner, le facteur remit une lettre à Jacques. « Ah, c'est de mon ami Raoul, » dit-il. « Certainement, il m'annonce son retour. » Esther tendit l'oreille. « Tiens, c'est le contraire, » poursuivit Jacques, qui venait de rompre le cachet. « Raoul part, et il me charge de toutes ses excuses en regrettant de ne pouvoir vous faire ses adieux. Il s'embarque demain à Toulon avec le commandant de la Rétuse qui l'emmène à Naples. » Esther venait de se lever toute droite, les yeux fixes. Madame de Carnavon marcha vers elle, lui touchant l'épaule de sa main. « Ferme, ma fille, » lui dit-elle. « Hélas, je savais bien que l'obstacle ne viendrait pas de moi. » Elle l'embrassa furtivement. L'heureux coquin, quel voyage ! Reprit Jacques, qui venait de mettre la lettre dans sa poche et roulait une cigarette tandis que sa sœur s'éloignait en chancelant. Esther s'accrocha à la rampe de l'escalier pour remonter chez elle. Là, ses forces l'abandonnèrent, elle tomba dans un fauteuil. Elle voyait par la fenêtre, par-dessus les roses fraîches cueillies le matin, le ciel tout bleu qui brillait, et tout au loin, la mer étincelante. Une lumière d'or couvrait tout. « C'est impossible, » se dit-elle. « Jacques se trompe. C'est une épreuve. Ce soir, demain, il arrivera. Est-ce que je n'ai pas là, dans mon tiroir, ce billet, où il me le dit ?» Elle l'ouvrit vivement et relut les quelques lignes écrites au crayon. « C'est bien clair, » reprit-elle. « Pourquoi mentira-t-il ? » Tout à coup, elle redescendit et chercha son frère. Il y avait peut-être dans cette lettre qu'elle avait reçu un passage qu'il n'avait pas compris, un mot qui était pour elle. Sur sa prière faite d'un air d'enjouement, non sans rire de sa curiosité, Jacques la lui montra. Elle rentra dans sa chambre accablée, l'espérance morte, le cœur lourd. Point de phrase oubliée, pas de post-scriptum, rien qu'un adieu. Elle vit les roses sur l'appui de la fenêtre et fondit en larmes. Esther était depuis quelques minutes plongée dans cet accablement lorsqu'elle entendit un bruit de pas dans le corridor et le frôlement d'une robe qui s'approchait discrètement. Elle se leva avec vivacité et plongea son visage dans l'eau fraîche pour faire disparaître les traces des larmes dont son visage était couvert. Presque aussitôt, un léger coup fut frappé contre sa porte et Charlotte parut, un petit calepin de cuir de Russie à la main. « Ne reconnais-tu pas cet objet ? » dit-elle en lui présentant. « Il me semble qu'il appartenait à M. de Maupla. » « Oui, je le crois, » répondit Esther, qui avait devant elle ce calepin dont Raoul s'était servi le jour de la pêche à l'étang. « Où l'as-tu trouvé ?»« Dans sa chambre. Il traînait parmi quelques papiers déchirés. » « Ces garçons, cela oublie toujours quelque chose. » Charlotte laissa le calepin sur le coin d'une table, et après avoir embrassé Esther longuement, à deux reprises, se retira silencieusement. La porte de la chambre n'était pas fermée que déjà Esther avait ouvert l'objet perdu par le marin. À la première page, ses regards tombèrent sur les deux lignes qu'elle avait écrites à sa prière et signées de son nom. On irait ainsi jusqu'au bout du monde. Qu'il avait été court le voyage qu'il avait fait avec elle. Elle comprit alors pourquoi Charlotte, au plus beau jour de ses espérances, en posant sa main amaigrie sur son épaule, avait dit « Pauvre petite !»« Ah oui, bien malheureuse » murmura-t-elle. De nouveau, les larmes la gagnèrent et elle se mit à sangloter. Dans la soirée, assise devant cette petite table où tant d'heures de sa vie s'étaient écoulées, elle ouvrit son livre à serrure. Les yeux humides, elle en relut les dernières feuilles écrites dans la fièvre. Quel délire et quelle joie! Sans bien savoir ce qu'elle faisait, elle prit une plume et, sous une date nouvelle, acheva la page commencée. Ce qui se passe en moi n'a pas de nom. C'est comme si je ne sentais rien. Je revois tout mon passé, un passé de quelques jours qui se résume en quelques heures. Déjà l'ombre l'envahit et je pleure. Je me souviens, je vois la place sur la bruyère, au sommet de la colline, puis sur les gerbes chaudes, dans l'air où tombait la clarté des étoiles. J'entends sa voix, je regarde ses yeux tendres qu'il avait au bord de l'étang, et des larmes coulent le long de mes joues. Elles glissent lentement sur mes doigts comme des gouttes d'eau. Les rêves que je faisais auprès de lui me suivaient dans mon sommeil. À mon réveil, je me répétais tout bas ce qu'il m'avait dit. Mon cœur n'en était jamais rassasié, et je pleure. Que s'est-il donc passé? Pourquoi? Qu'ai-je fait? Il avait bien vu que je l'aimais sincèrement et que cet amour était toute ma vie. Le jour la surprit, pâle, épuisée, écrivant toujours, les paupières toutes mouillées. Les bougies achevaient de crépiter dans la bobèche. Elle déchira une page qui portait une date et la présenta à la flamme qui la mordit. Bientôt, elle ouvrit les doigts et une pincée de cendre noire où courait un frisson de feu s'en échappa. Un souffle de vent prit ce qui restait de cette page et l'emporta. « Je sais à présent, » murmura-t-elle, « à quoi il m'a servi d'aimer et pourquoi Charlotte ne lutte plus. » Quand la lumière rose du matin entra dans sa chambre, elle se jeta tout habillée sur son lit et s'assoupit. Deux ou trois heures après, une voix la tira brusquement de son sommeil agité. C'était Jacques qui l'appelait. Elle courut à la fenêtre. « Viens voir !» lui dit-il. Elle descendit, et son frère lui montra au loin un navire qui filait à toute vapeur, gagnant la haute mer. « Regarde, » reprit-il, « c'est la Rétuse qui vient de sortir de Toulon. J'ai lu son nom avec cette longue vue sur la flamme qui flotte à son grand mât. Raoul est là-dessus. » Il y avait à quelque distance de la côte une frégate cuirassée au mouillage qui portait le pavillon d'un contre-amiral. Soudain, quand elle fut par le travers de cette frégate, la Rétuse se couvrit d'un nuage de fumée dont les vagues blanches coururent sur l'eau, et bientôt après, le roulement d'un coup de canon enveloppa le Courtil. « Voilà M. de Beaurepaire qui salue son amiral, » poursuivit Jacques. « Que c'est beau ce bruit du canon, et que voilà une musique qui fait battre le cœur. » La Rétuse, laissant derrière elle une traînée de vapeur qui se tordait dans le vent, s'enfonçait dans l'horizon. Jacques en détacha son regard, et du doigt, indiquant à sa sœur un lièvre et trois perdrix rouges qu'il avait couchés dans l'herbe. « Voilà ma chasse de ce matin pendant que tu dormais, paresseuse, » reprit-il. « N'est-ce pas que la vie est gaie ?»« Très gaie, » répondit Esther. C'est ainsi que s'achève le livre à serrure d'Amédée Achard.